Il est 8h sur France Culture. Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. La Renaissance byzantine et l'Europe. Tel est, chers amis, le titre de notre émission d'aujourd'hui, que nous vous proposons en compagnie d'un invité de marque, M. André Thuillier, directeur honoraire de la bibliothèque de la Sorbonne, qu'il a dirigé de 1971 à 1986, éditeur de textes grecs, soit de l'Antiquité classique avec Euripide, soit des pères de l'Église du IVe siècle avec Grégoire le théologien, dit Grégoire de Nazianze. André Thuillier a aussi publié en 1994 une histoire de l'Université de Paris et de la Sorbonne. Puis maintenant, il dirige une édition qui vient de paraître chez Fayard sur l'histoire du Collège de France, un ouvrage donc qui, en effet, constitue le premier volume consacré à l'histoire de cette vénérable institution qui couvre la première période de son existence, à savoir les années 1530 à 1560. Et pour être plus précis, il s'agit de la création pour François Ier des lecteurs royaux, institution qui est à l'origine du Collège de France et qui marque le terme d'une évolution sociale, politique et culturelle remontant à la seconde moitié du XIIIe siècle et aux origines même de la Renaissance européenne. D'où le titre de notre émission, puisque nous parlerons aujourd'hui en particulier des origines de cette Renaissance européenne que la merveilleuse introduction écrite par M. Thuillier dans le volume qui vient de paraître fait remonter à ce qu'il appelle la Renaissance byzantine. Monsieur Thuillier, y a-t-il donc une vraie filiation entre le monde byzantin, souvent mal compris par l'Occident, et la Renaissance européenne, voire même l'Europe d'aujourd'hui? Naturellement. Et c'est souvent ignoré de l'opinion publique, de la classe cultivée, de l'élite, et même de l'élite politique. Il y a donc une symbiose entre les deux mondes, à la fois dans le conflit, et dans les rapports. Les rapports entre l'Orient et l'Occident chrétien ont été bons ou mauvais. Ils ont été souvent conflictuels et nous en avons les séquelles dans les mentalités. Le but de cette introduction n'est pas de polémiquer. Elle est tout simplement de montrer les liens qui existent profondément entre les deux mondes et qui, justement, à une époque comme la Renaissance, se sont admirablement complétés. Malheureusement, cette époque n'a pas duré, et c'est ce que révèle l'introduction que vous avez évoquée à juste titre. Cette histoire du Collège de France est, si vous voulez, le complément de l'histoire de l'Université de Paris de la Sorbonne que j'ai publiée il y a une dizaine d'années, et elle a pour but justement de montrer comment les lecteurs royaux qui sont à l'origine du Collège de France ont pour but, dans cette période admirable qu'est la Renaissance européenne, où précisément s'est effectuée une sorte de symbiose entre Byzance et l'Occident à l'origine, et la cause de notre civilisation moderne, au moins au point de vue intellectuel, sans parler du point de vue scientifique et même à terme technologique. Je crois que c'est une affaire d'une importance considérable parce que c'est le moment où l'Occident a, dans une période difficile, a tout simplement reçu de l'Orient byzantin, après l'avoir reçu, mais d'une manière tout à fait incomplète, de l'Orient arabe, a reçu finalement les textes authentiques, les textes grecs authentiques de l'Orient byzantin. Bon, tout cela s'est fait dans un contexte difficile, dans un contexte de, comme l'histoire, toujours conflictuel, mais il y a eu, par l'intermédiaire précisément de Byzance, des textes qui sont venus en Occident, tout simplement. On a retrouvé purement et simplement les textes authentiques des philosophes et des auteurs grecs. Et des auteurs grecs anciens qui nous ont de nouveau révélé l'importance de la manière de penser des Grecs anciens, tels qu'ils avaient été transmis d'ailleurs par le christianisme oriental, en même temps le christianisme byzantin. Il y a là quelque chose, donc l'Occident à l'époque n'a pas dit non aux textes, qu'ils soient religieux ou profanes, ils les ont reçus comme ils étaient, et non dans un climat conflictuel comme aujourd'hui. Alors, si vous permettez, on va évidemment remonter dans le temps et essayer de clarifier certains termes. C'est plus facile pour nous tous. Vous parlez de Renaissance byzantine. On a l'habitude de parler de la Renaissance en Europe. Alors, vous parlez d'une Renaissance byzantine que vous placez, si j'ai bien compris, aux deux derniers siècles de la vie de l'Empire d'Orient, qui coïncide avec la dynastie des paléologues. À peu près, qu'entendez-vous par Renaissance byzantine ? Il y a eu deux Renaissances byzantines. Il y a eu la Renaissance byzantine du IXe siècle, qui est contemporaine de la Renaissance carolingienne en Occident. Il y a d'ailleurs une symbiose déjà entre les deux. Il y a eu un échange à l'époque et une volonté d'ailleurs de vivre ensemble dans certains cas qui n'a pas duré sous des conflits divers. Et il y a eu une seconde Renaissance byzantine. Cette Renaissance byzantine est due au fait que l'Occident, à partir du XIe siècle, se comporte comme un système colonial pour l'Orient, y compris pour l'Orient byzantin, et crée des relations conflictuelles très graves et des relations d'amitié. La césure se produit au XIe siècle, on le sait, et c'est à partir du XIIIe siècle que les choses se gâtent définitivement par la prise de Constantinople par les croisés le 12 avril 1204. Cette date n'est jamais évoquée suffisamment dans les manuels historiques, n'est jamais comprise même en Occident. Tout simplement, les croisés, qui étaient d'ailleurs des Francs, n'est-ce pas, pour la plupart des Champenois, se sont emparés à la demande de Venise, qui était une ancienne colonie byzantine au départ, mais qui finalement exerçait un empire colonial dans l'empire byzantin. Les Byzantins ont été envahis par les Francs et qui se sont installés en Orient. L'histoire de cet empire qui a duré 57 ans une cinquantaine d'années est une histoire très curieuse. L'empire s'est finalement effondré en 1261 sous la conquête de Byzance qui est retourné à Constantinople avec l'empereur Michel VIII, paléologue. Et ça, cette reconquête a amené ce qu'on appelle, ce que les byzantinistes, ce que les spécialistes de l'histoire byzantine appellent la seconde Renaissance byzantine. Cette Renaissance byzantine est très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle est marquée par un retour au patriotisme grec authentique. Jusqu'à la prise de Constantinople par les croisés, les Byzantins s'appellent les Romains, n'est-ce pas ? Ils sont les héritiers des Romains. À partir de la prise de Constantinople et de l'Empire latin d'Orient, les Byzantins sont des Grecs. Ils s'estiment les héritiers des Grecs et c'est ainsi qu'ils reviennent à Platon. Et c'est ainsi que, dès la prise de Constantinople, dès la reprise de Constantinople en 1261, platonisme, et le néo-platonisme qui avait été un peu condamné au milieu du Moyen-Âge. Vous vous souvenez de la condamnation en 1082 du platonisme au début du règne d'Alexis Ier comme Comnène. Là, nous nous trouvons en présence d'une restauration de Platon et du platonisme conçu comme un auteur national, si l'on peut dire, alors qu'Aristote est évidemment un marginal puisqu'il est originaire de Macédoine et de Thrace, n'est-ce pas ? Il y a donc là un retour, un honneur finalement donné aux tragiques aussi, aux auteurs tragiques, aux auteurs, au Platon, sans oublier Aristote naturellement, et à tout ce qui peut magnifier la civilisation grecque. Et là, on se trouve en présence au XIIIe et au XIVe siècle, à la fin du XIIIe siècle et au XIVe siècle, d'une Renaissance très importante, et qui comprend deux mouvements contradictoires, une opposition toujours des classes marchandes de Byzance, des artisans byzantins, qui sont tout simplement colonisés par les Latins et notamment par les Vénitiens et par les Italiens, mais en même temps les classes dirigeantes, la grande propriété foncière, les intellectuels byzantins sont favorables à un accord avec les Latins, à un accord avec même de reconnaître une primauté, quelle qu'elle soit, à l'évêque de Rome, pourvu que la civilisation byzantine et la civilisation gréco-latine d'ailleurs soient sauvées des Turcs et des barbares. Il y a donc là tout à fait quelque chose de fondamental. Pourquoi ? Parce que c'est par l'intermédiaire de ces Byzantins lettrés que les Italiens vont apprendre le grec. Ils vont apprendre le grec, songez à Pétrarque et à Boccace, n'est-ce pas, qui sont les très grands auteurs italiens, et qui sont à l'origine de la Renaissance italienne, et qui apprennent le grec. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que le grec leur apporte ce que ne leur apporte pas seulement le latin. Alors que Dante est encore pétri de Virgile, un homme fort cultivé également, mais Pétrarque et Boccace y apportent le grec, et on sait que le grec a été appris à Pétrarque en France, dans la France du Midi, à Avignon, et par un savant grec qui s'appelle Barlaam. Et Boccace par un savant grec qui s'appelle Léon Spilate, et qui étaient des gens très cultivés, qui connaissaient leur langue et qui leur apprenaient la langue grecque. Et pourquoi cette affaire les a conduits aussi à une réflexion très approfondie sur justement le matériel latin, c'est-à-dire les sources des auteurs latins. La philologie, c'est-à-dire la critique des textes, que les Byzantins avaient été obligés d'ailleurs de sauver pendant la conquête latine, parce que le sac de Constantinople par les croisés avait été quelque chose d'effrayant, ça avait été un pillage incommensurable, n'est-ce pas? Le sac de Constantinople par les croisés avait privé les Byzantins des sources de leurs auteurs, et des auteurs grecs anciens. Ils ont été obligés de les retrouver, et dans des conditions difficiles, ils ont construit une science philologique, et la seconde Renaissance byzantine est marquée purement et simplement, à la fois sur le plan philologique, par une très grande intérêt et scientifique porté à la fois à la philologie, c'est-à-dire à la conservation des textes, à leur bonne édition, puisqu'on avait perdu les exemplaires. Et en même temps, ces auteurs, selon joint Maxime Planute, qui est à l'origine de cette Renaissance byzantine de la fin du XIIIe siècle, Maxime Planute a retrouvé des textes mathématiques qui ont été édités depuis. Donc, de Byzance, on passe en Italie, et ce qui nous intéresse directement ici, je dirais, en France. Comment ce lien s'établit-il? Quand? Pourquoi? Vous dites un peu, ce sont les Valois, c'est un peu au moment des guerres françaises en Italie qu'on se rend compte de l'importance de cette culture byzantine présente en Italie et l'importance politique, parce que les Valois ont un critère politique, évidemment. Et puis, on va arriver aux lecteurs royaux. J'ai une question également qui concerne les lecteurs royaux, qui sont à l'origine du Collège de France. Qu'est-ce que c'est ces lecteurs royaux? C'est une institution fondée par François Ier. On voit que ça avance. Alors, ce voyage Byzance, Italie, France. Alors d'abord, il faut savoir que l'Italie méridionale a parlé grec au Moyen-Âge, n'est-ce pas? Et que le schisme est né, comme vous le savez, en Italie méridionale, n'est-ce pas? Le schisme entre Rome et Constantinople, au XIe siècle, en Italie méridionale, on se disputait pour savoir qui était le patron de l'Italie méridionale, n'est-ce pas? C'est l'un des sources des conflits. Et elle a parlé grec même jusqu'à l'époque moderne. Donc, il y avait un lien profond entre les Italiens et les Byzantins. C'est pas seulement les Italiens, les Toscans qui se sont, comme Pétrarque Boccace, le grand esprit qui se sont intéressés aux Grecs, mais c'est aussi des gens plus modestes. Donc, là, et d'autre part, il y avait aussi un courant par l'intermédiaire des icônes. Songez aux primitifs italiens qui, tout simplement, rappellent énormément la peinture des paléologues, les fresques, les peintures murales des paléologues, des empereurs paléologues. Il y a donc eu une connaturalité, une profonde unité, une profonde, est-ce qu'on pourrait dire, affection, au sens originel du terme, entre les élites de l'Italie et les élites byzantines, et à la fois aussi entre le peuple italien et le peuple byzantin. Alors, malgré tous les conflits religieux, les Latins ont compris, les Italiens qui étaient intelligents, ont compris tout ce qu'ils pouvaient tirer pour leur interprétation propre de leurs auteurs classiques, puisque là, ils retrouvaient leur patriotisme italien dans les auteurs latins, n'est-ce pas? Pétrarque et Boccace, sans parler des autres, etc., de ceux du XVe siècle qui ont rempli une culture admirable, n'est-ce pas? Ils cherchaient justement les sources de ces auteurs, et ils savaient que les Latins avaient emprunté aux Grecs. Ils le savaient par leur culture. Donc il fallait apprendre le grec, c'était retrouver la science antique, c'était retrouver la grande poésie antique, c'était retrouver les Homère, les tragiques, la philosophie platonicienne, la philosophie aristotélicienne et les auteurs, la rhétorique. Donc, le transfert en France maintenant. Alors, la France ne pouvait... L'Occident, le grand problème a été d'abord la Renaissance byzantine, qui est l'une des sources de la Renaissance italienne, et l'une des sources très importantes de la Renaissance européenne, a d'abord été en Italie, puisque les deux pays ont, pour des raisons politiques, sociales, culturelles, à la fois pour des raisons d'ailleurs qui étaient conflictuelles, entretenaient des rapports mutuels, puisque les grandes républiques italiennes, Venise et Gênes, avaient leurs comptoirs coloniaux à Constantinople, à la Pera, n'est-ce pas ? Ils concurrençaient les pauvres artisans du lieu. Donc, tout créait la pénétration du grec en Italie. D'autant que les lettres grecques étaient, eux, favorable à l'union avec les Italiens, donc favorable à l'union avec la papauté. Alors, au XIVe siècle, le grec commence à être, on commence à se préoccuper de l'enseignement du grec au-delà des Alpes, n'est-ce pas ? Et en France, en Allemagne, mais c'est très faible. D'autant que l'Occident est divisé à l'époque par la guerre de Cent Ans, qui est une très grave épreuve pour la France. Alors, il y a naturellement un intérêt porté, quand on est sorti de la guerre de Cent Ans, il y a un intérêt porté à cette Italie. Pourquoi ? Pour restaurer le pouvoir du roi de France sur l'église gallicane. C'était un problème de politique. Les rois d'Angleterre, d'abord pendant la guerre de Cent Ans, avaient cherché à s'allier aux républiques italiennes sur le plan commercial. Charles V, au XIVe siècle, le premier roi lettré, n'est-ce pas, a fait une alliance avec la République de Florence pour contrer son adversaire britannique. Alors, la France est entrée en contact avec une politique étrangère qui n'était plus simplement avec l'Angleterre et l'Allemagne, mais avec l'Italie. Et en même temps, les papes étaient venus à Avignon, pour des raisons politiques. Philippe le Bel avait finalement enlevé le pape pour l'installer en France. La France avait de cette façon exercé une importance considérable sur la papauté. Elle n'allait pas l'ôter, étant donné que le pouvoir politique et le pouvoir religieux à cette époque-là, c'était la même chose. Le roi de France était un roi puissant, il voulait être le maître dans son royaume, y compris de son église. Alors, les guerres d'Italie ont des causes à la fois politiques avec les républiques italiennes, avec l'Italie méridionale d'ailleurs, puisque Saint-Louis avait eu son frère Charles d'Anjou s'était installé roi en Italie méridionale et avait chassé d'ailleurs les dynasties locales. On cherchait à conquérir l'Italie, à y imposer au moins leur domination. Finalement, c'est François Ier qui réglera le problème. Après sa première victoire de Marignan, très connue, tout le monde apprenait ça dans l'école primaire, n'est-ce pas ? Avec sa victoire, il crée le Concordat de 1516. Le Concordat de 1516 crée la victoire absolue, finalement, du roi sur l'église gallicane. Ce qui est très intéressant, c'est que ce Concordat se trouve, ce que les gens ne savent pas, est inséré dans les actes du 5e concile de Latran. Et que, tout simplement, le roi est chargé de faire l'unité de l'église gallicane. Le pape lui demande, le pape Léon X, lui demande de faire l'unité de l'église gallicane. Donc, de cette façon-là, il hérite, si vous voulez, de la civilisation byzantine indirectement. Le grec est introduit en France. On en a parlé tout à l'heure. Georges Hermonyme et d'autres avants, d'ailleurs, vous avez vu que je le dis quelque part, d'autres avants enseignent le grec. Enseigne le grec aux occidentaux, qui d'ailleurs sont pas gentils avec leurs professeurs byzantins, puisqu'il se trouve que ils ne leur apprenaient rien et que c'était mauvais. Donc, parce qu'il faut aller vite malheureusement pour une période si longue et un sujet aussi riche, les élèves à Paris d'Hermonyme, c'est pas n'importe qui. C'est Erasme, c'est Guillaume Budé, c'est des gens d'une grande influence. Plus tardive, et nous connaissons, ne serait-ce que par les éditions des Belles Lettres actuellement, le nom de Guillaume Budé, qui est arrivé jusqu'à nous. Alors, en quelques mots maintenant, cette institution des lecteurs royaux, que sont-ils, que font-ils, comment ils fonctionnent? Alors, il faut le dire que trouver les lettres grecques, c'était trouver une autre manière d'apprendre. À Byzance, on n'apprenait pas de la même manière qu'en Occident. C'est justement, les Italiens ont eu l'intelligence d'instituer en Italie des académies pour enseigner finalement d'avoir quelque chose de plus ouvert, un enseignement ouvert. Et ils ont apporté, justement, ils ont apprécié tout à fait la manière d'enseigner qui était à Byzance, d'ailleurs celle-là. N'est-ce pas, l'université byzantine, il suffit de changer au XIIe siècle, à des personnages comme Eustate de Thessalonique, qui est un très grand savant, commentateur d'Homère et des tragiques, n'est-ce pas, pour savoir qu'il commentait le texte, c'est-à-dire qu'on le lisait et on le commentait. En Occident, ce n'était pas la même chose. D'abord, les manuscrits étaient moins nombreux proportionnellement qu'en Orient, puisque Byzance n'a été prise pour la première fois que par les croisés. Donc, l'Occident a connu les invasions barbares de bonne heure. La Renaissance carolingienne n'a pas duré. Donc, les textes étaient peu nombreux et l'enseignement était surtout, dès qu'il atteignait la recherche, était surtout un enseignement oral. On avait des livres pour apprendre la Bible, les grands auteurs, Augustin, Jérôme, d'autres aussi, Virgile, mais on n'avait pas de textes suffisamment pour avoir, si vous voulez, avoir un commentaire pluriel, un commentaire autour d'une équipe. Les lecteurs du roi commencent à apparaître à la fin du Moyen-Âge. Ce sont précisément des lecteurs qui font des commentaires de textes en y associant des élèves. J'ai parlé des académies italiennes, c'est un peu différent, mais c'est la forme que l'Italie a donnée à sa Renaissance, et à sa Renaissance, si vous voulez, intellectuelle et pédagogique, n'est-ce pas? Donc, la France suit. Ce que veut François Ier, c'est finalement rénover l'enseignement qui était principalement oral au niveau de la recherche, au niveau des études supérieures, par justement un commentaire des textes, les publier également. Vous avez vu comment l'institution des lecteurs royaux, ce ne sont pas des professeurs magistraux. Ça choque beaucoup d'ailleurs, parce que nos étudiants sont toujours habitués au cours magistral, et qui est un héritage de l'université napoléonienne, n'est-ce pas? Et que justement, c'était tout simplement des lecteurs qui travaillaient avec leurs élèves, n'est-ce pas? Qui travaillaient ensemble. Vous avez vu comment justement Jean Irigoyen dégage les tels Danesh, par exemple, qui était lecteur royal en grec, affiche son cours, n'est-ce pas, Pierre Danesh fera son cours sur les Odes de Pindare, le mercredi à 6h entre novembre et janvier, et finalement, il faut apporter et même acheter les Odes de Pindare chez les libraires du quartier, n'est-ce pas, qui ont souvent... Le lecteur est lui-même prépare son cours qui est imprimé et le texte, n'est-ce pas, et il le commente. Donc nous avons là tout un enseignement tout à fait différent de l'enseignement oral du Moyen-Âge. Cet enseignement a, si vous voulez, deux parties. Une part, il est totalement ouvert. Alors il révèle la rhétorique, c'est-à-dire la manière d'analyser un discours. Si c'est du latin, c'est du Cicéron. Si c'est du grec, c'est du Démosthène. Donc, on analyse la phrase de Démosthène, on analyse son style, comme on analyse le style de Cicéron. On voit de quelle rhétorique il s'agit, de la rhétorique épidictique, c'est-à-dire démonstrative, ou bien de la rhétorique politique, etc. Ou bien, alors, on fait les commentaires philosophiques. Vous avez vu comment précisément même les auteurs scientifiques apparaissent. On avait perdu en Occident, alors qu'on l'avait maintenu à Byzance, je ne sais pas chez les Arabes, mais je ne le crois pas d'une façon certaine, on avait à Byzance maintenu, par exemple, l'induction aristotélicienne. L'Occident ne connaissait pas l'induction, il ne connaissait que la déduction. Donc, parce que on avait dans les catégories de Porphyre n'était que permettait seulement que la déduction et non l'induction. Vous avez vu comment un grand humaniste, l'un des plus grands lecteurs royaux, Ramus, a retrouvé l'induction. Il a retrouvé l'induction de deux façons. Parce qu'il l'a lu dans les Seconds analytiques d'Aristote, qui n'était pas connu en Occident, et qu'il l'a découvert aussi en allant fréquenter rue Saint-Denis, ici, les artisans. Les artisans faisaient des choses comme c'était les mystères, vous savez, des corporations. On disait qu'ils avaient des mystères, c'était tout simplement des trucs, n'est-ce pas, pour employer un mot simple, n'est-ce pas. Et finalement, ces trucs, ils ne savaient pas que ça représentait finalement une découverte mathématique ou scientifique. Donc il y a là quelque chose d'excessivement important, c'est que les lecteurs royaux, vous avez vu que dès le départ d'ailleurs, François Ier nomme un lecteur royal en mathématiques, de façon précisément à assurer ce que n'avait fait aucun Erasmien auparavant, pour intéresser précisément à la discipline mathématique qui n'existait pas encore en Occident, qui était connue à Byzance et qui n'existait pas encore en Occident. Connue chez les Arabes aussi, connue à Byzance, mais qui n'existait pas encore en Occident. Nous avons donc là toute une méthode pédagogique qui est à la fois une méthode scientifique et qui permet finalement un développement à la fois du parler, de la formation des élites, d'une nouvelle science et une nouvelle discipline de l'esprit. Écoutez, j'ai fini en donnant un tout court extrait de votre conclusion sur le thème que vous venez d'évoquer, en suppliant aux impératifs de la conjoncture politique et en constituant par étapes un corps de lecteurs spécialisés dans les langues anciennes et dans des disciplines nouvelles qui apparaissaient avec la Renaissance et l'humanisme. Le pouvoir royal a introduit officiellement en France les méthodes scientifiques et pédagogiques qui avaient fait leur preuve ailleurs et qui devaient s'imposer progressivement dans notre pays. Mieux encore, il a donné à ces méthodes un essor inconnu auparavant. Voilà, écoutez, ce livre est fascinant, il faut le lire et le relire. C'est un livre d'érudition que l'on lit comme un roman, c'est passionnant. Il y a plusieurs érudits qui participent, ça a été fait sous votre direction. Je rappelle, Histoire du Collège de France, sous la direction d'André Thuillier aux éditions Fayard. Je vous remercie beaucoup. Notre prochaine émission, dimanche 6 août, ce sera sur la fête de la Transfiguration avec le père Job Guetcha, doyen de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Philippe Pallares. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris 7 Dex 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com.